قول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Rasoul Allah dit, si vos pères, ainsi que vos fils, ainsi que vos frères, ainsi que vos épouses, ainsi que vos tribus, vos proches, vos entourages, ainsi que des biens que vous aurez amassés, ainsi que des commerces dont vous craignez le déclin, ainsi que des maisons confortables que vous agréez, sont plus aimés auprès de vous, car Allah et son messager et le jihad sont sur ce sentier, alors soyez à l'affût lorsque Allah vienne avec son décret. Et Allah ne dirige pas un peuple de pervers. Donc ces huit choses dans le verset sont les principales causes qui amènent l'homme à délaisser ses obligations. L'amour des proches, l'amour de l'argent, l'amour du gain et l'amour du confort. Cheikh Al-Fawzan c'est que ces huit choses-là sont les causes qui amènent que les gens délaissent la hijra. Car la hijra, c'est un jihad. Ça rentre dans le jihad. Jihad nefs. Donc on regarde bien les gens quand ils ne font pas la hijra, c'est pour ces causes-là. Ils ne veulent pas laisser leurs proches, leurs parents. Ou alors, la hijra, ils la font, mais ils l'abandonnent pour retourner vers leurs parents. Ou ils ne la font pas à cause de leurs enfants. En disant qu'ils auront un avenir meilleur là où ils sont. Avec l'école et autres. Ou ils ne la font pas à cause de leur femme. Du fait que leur femme ne veut pas partir. Ou alors pour des biens. Ils ont peur de perdre leurs biens. Ou ils veulent en amasser plus. Ou alors ils ont des commerces fructueux. Ils ont peur qu'ils s'arrêtent. Il a un mat'am, il a un snack, il a un restaurant, il a une pizzeria, il a une maktaba, il a un tijara, de différentes choses. Il dit, si je suis à l'hijra, ça ne marchera pas là-bas comme ça marche ici. Donc, il ne part pas. Il a une bonne maison. Confortable. Et il dit, si je pars, je n'aurai pas une maison comme celle-ci. Je n'aurai pas une maison comme celle-ci. Je n'aurai pas ce que j'ai chez moi. Ou ainsi de suite. Donc, ça, ce sont les causes principales qui amènent les gens à délaisser cette hijra. Il y a aussi la santé. Ils craignent pour leur santé. Alors qu'ils sont en bonne santé à la base. Ils disent là-bas, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de soins. Ou plutôt, on va dire, les soins sont payants. D'accord ? Par rapport à la France. On dit, regarde combien de temps tu tombes malade en France. Parce que jamais. Pourquoi tu n'as pas tombé malade là-bas ? Et tu as des gens, ils sont en France, ils tombent malades tout le temps. Une maladie grave. Que ربما لا تجدوها في بلاد الاسلام. طيب اكزامبل ces jours-ci la covid, regarde combien il y a de cas مثلا qu'ils disent, combien de morts qu'ils disent. Regarde en pays islam la différence qu'il y a, elle est flagrante. Il y a beaucoup beaucoup moins. Après où que tu sois, cela se viendra. Tu sois en France, tu sois à Medina, tu sois à Sanaa, soit où que tu veux, ce qui t'est arrivé t'arrivera. Donc c'est pas lié au lieu, c'est lié au qadar. Donc quitte à être atteint dans le halal, être atteint dans le bien et garder sa izza, l'inniya. Donc dans le verset à la fin, Allah Azza wa Jalla dit que celui qui délaisse le jihad pour ces choses là c'est un fasiq, c'est un fasiq. Donc délaisser ces choses-là sans raison valable, le hukm qui s'applique sur la personne est que c'est un fasiq. Wal'iyadhu billah. Délaisser l'hijra est un parmi les kabaïa. Car l'hijra, c'est pas seulement le fait de vouloir mieux dans son dîn, c'est sûr, ça en fait partie. Mais c'est aussi une obligation. Car pour les gens, on dirait que c'est venu moustahab la hijra seulement. Ou voire permise seulement. La hijra min awjab al-wajibat liman laisse-t-il nous qu'il m'a dit n'ahou qui bel le kouf. Au même titre que tu fais la salat, au même titre que tu dois jeûner pendant le ramadan, sauf que ce sont des arcanes, bien sûr. Au même titre que tu ne dois pas manger de porc, au même titre que tu ne dois pas boire d'alcool, au même titre que tu ne dois pas faire zina ou autre, tu dois faire la hijra. C'est pas tu choisis, ça je le fais, ça je le fais pas. C'est tout. Ya ayyuhallazina amanu utrulu fi silmi kaffa. Ô vous qui avez cru, entrez dans l'islam pleinement. Afatu'minuna bi ba'd al-kitab. Afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Am yafala dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yuraddun ila ashaddi al-'adhab. Am Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Yep, est-ce que vous croyez une partie du livre et vous croyez une autre? Et la récompense, on va dire la rétribution pour ceux qui ont fait cela, qui seront amenés au plus dur des châtiments, et qu'Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Donc la religion, c'est pas un restaurant, tu as un menu, tu choisis ce que tu veux, tu laisses ce que tu veux. Non, tu prends ce qu'on te donne. Vous voyez, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Ma amratukum bi, fatu minum mastata'atum. Wa ma nahaytukum anhu, fashtanibuhu. » Ce que je vous ai ordonné, faites comme vous le pouvez. C'est-à-dire avec des excuses légiférées. Ce que je vous ai interdit, délaissez-le. Délaissez-le. Ah, ça.